Dans le cadre strict du challenge VHS et canapé, j'ai donc revu Jurassic World. N'en déplaise aux extrémistes, ce n'est pas si nul, mais bon, c'est franchement pas terrible non plus. À mon goût, c'est le plus faible de la saga, mais j'avoue ne pas avoir vu Fallen Kingdom. Commençons par ce qui fonctionne. J'aime bien l'idée que les gens soient déjà blasés d'un parc avec des dinosaures, mais c'est à peine exploité. J'aime bien aussi l'idée de retrouver Ingen comme grand méchant, sorte de Umbrella Corporation dans l'univers Jurassic Park. J'aurais pu aimer que la thématique soit l'exact opposé du premier film, si seulement cette thématique n'avait pas un arrière-goût aussi déplaisant. J'aurais aussi apprécié que le film soit moins long et mieux rythmé, mais c'est un reproche assez récurrent chez moi. Ce qui ne va pas du tout, en dehors du casting évidemment, c'est l'idée de domestiquer des Raptors, que l'armée veuille en faire des armes et que Hammond soit vu comme un génie visionnaire, alors qu'il est dépeint comme un type profondément irresponsable et monomaniaque dans le premier opus. Et enfin, le gâchis final, ce combat titanesque, amusant certes, mais qui aurait pu être jouissif s'il avait été mieux amené et si l'humain ne se retrouvait pas au centre. Bref, je ne vous remercie vraiment pas, les gars.